Section 61. Deuxième partie, chapitre 30. Du mois de septembre au mois de décembre, Emmanuel n'avait pas eu un seul accès de délire. S'il était resté plongé dans une mélancolie noire, au moins n'avait-il pas déraisonné. Mais en arrivant à Paris, ou plus justement en revoyant Georges, la fièvre et l'exaltation reparurent. Cela se produisit dans des circonstances tellement caractéristiques que les soupçons de Charlotte, déjà fortement excités, se précisèrent. Emmanuel était avec elle dans le salon lorsqu'on annonça Georges, et ils causaient tranquillement, sans que rien indiquât le trouble ou l'émotion chez Emmanuel. Mais au nom de Georges, sa physionomie changea subitement, et dans ses gestes comme dans ses paroles, l'incohérence se montra aussitôt. L'homme raisonnable, une minute avant l'entrée de Georges, déraisonnait maintenant. Un autre fait frappa encore Charlotte. Georges, dont les journaux avaient beaucoup parlé en ces derniers temps comme ayant des chances sérieuses pour prendre place dans le ministère en formation, n'avait pas été nommé ministre. Et comme le décret qui instituait le nouveau ministère avait paru au journal officiel le jour même où Georges avait fait sa première visite rue de Boulogne, cela avait naturellement fourni un inévitable sujet de conversation. Emmanuel avait témoigné à son ami tout le chagrin que lui causait cette déception, et l'ami avait répondu en se plaignant amèrement de l'ingratitude et de l'injustice des hommes. Pour quelqu'un qui n'eût pas bien connu Emmanuel, l'expression de ses regrets eût pu paraître sincère. Mais Charlotte n'était pas femme à se laisser prendre aux apparences. Pour elle, ce n'était pas du chagrin que son mari éprouvait, mais de la joie du triomphe et de la vengeance. S'il avait éprouvé du chagrin, il aurait dit seulement un mot à Georges de sa déception. Il n'y fit point revenu, à plaisir, tournant et retournant le couteau dans la plaie de l'amour-propre blessé et de l'ambition déçue. C'était la joie qui le faisait revenir sans cesse à ce sujet. C'était elle qui lui faisait trouver des adresses de langage pour aviver cette plaie sous prétexte de la pensée. Et tout cela avec une violence de gestes et une exubérance de paroles qui pouvait faire croire que sous l'influence de l'exaltation, il n'avait pas conscience de ce qu'il disait, mais qu'il ne trompait pas Charlotte. Ce ne fut pas tout. Après le dîner, ce qui n'était jamais arrivé, il les laissa seuls, ensemble, prétextant une lettre pressée à écrire. Charlotte eût voulu se retirer, mais cela était impossible. Elle dut subir l'entretien en tête-à-tête avec Georges que son mari semblait avoir voulu lui imposer. Lorsqu'il fut sorti, ils demeurèrent en face l'un de l'autre, assez longtemps sans parler. Enfin, Georges vint s'asseoir près d'elle. « Ainsi, dit-il, vous voilà revenu à Paris. »« J'ai suivi mon mari. C'est lui qui, au reçu de votre lettre, a voulu revenir. Ce n'est pas moi, vous le savez bien. »« Je sais que j'ai rencontré dans Emmanuel un allié qui me sert utilement. » »« Ne parlez pas ainsi. Ce ton de raillerie à propos d'un homme dont vous avez fait le malheur est indigne d'un esprit élevé. » Et ce qui sans doute vous touche davantage, il est maladroit. Mon mari n'est pas votre allié, détrompez-vous sur ce point. Il sait beaucoup de choses, s'il ne sait pas tout. Il paraît nous obéir, j'en conviens, mais en agissant ainsi, il a un but, lequel je n'en sais rien, seulement je suis certaine qu'il en a un. Votre mari est fou. Pas tant que vous croyez, et il serait plus sage à vous de vous défier de lui que de le railler. Que voulez-vous dire? Que nous sommes entre ses mains. Vous trompez, c'est lui qui est entre les miennes. Il y aurait folie à lui, véritable folie, vous l'entendez bien, à l'oublier, mais il ne l'oubliera pas. Encore cette horrible menace, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez ce que je n'ai pas pu vous dire il y a 4 mois à la crique. Je vous jure que si vous entreprenez la moindre chose contre Emmanuel, ou même si vous continuez à me poursuivre comme vous l'avez fait jusqu'à présent, je vous jure que je me tue. J'ai pu résister à la mort tant que j'ai pensé que ma vie pouvait être utile à mon mari. Mais aujourd'hui, je sais qu'elle lui est une souffrance et qu'il serait moins malheureux si je n'étais pas près de lui. Rien ne m'arrêtera. Si fort que vous vous croyez, vous devez comprendre que vous ne pouvez rien contre la mort. Moi non, mais notre enfant, il vous retiendra à lui. Peut-être, mais encore faudra-t-il que vous ne me poussiez pas trop fort. Il y eut un moment de silence, puis bientôt il reprit. « Ah, Charlotte, vous êtes implacable. Vous me voyez malheureux, accablé, et vous frappez sur moi les coups les plus cruels. Tout me manque dans la vie. Le but que j'ai poursuivi échappe à ma main, et c'est l'heure que vous choisissez pour m'éloigner de vous et me séparer de mon enfant. Vous savez bien que mon fils ne sera jamais le vôtre, pas plus que jamais je ne serai votre femme. Ni lui, ni moi, jamais, jamais !» Elle s'était levée et elle avait prononcé ces derniers mots, la main étendue, avec une énergie désespérée. Puis, sans baisser les yeux devant les siens, elle était sortie du salon pour passer dans la pièce où se trouvait Emmanuel. Le résultat de cet entretien fut décisif. Georges ne reparut plus, rue de Boulogne, et quand Emmanuel lui écrivit pour l'engager à dîner, il répondit par un refus coloré sous un prétexte. À une seconde et une troisième lettre, il fit la même réponse, et ce qui fut tout à fait caractéristique pour Charlotte, ce fut la satisfaction que son mari éprouva en recevant ses réponses. Après la troisième lettre, Emmanuel voulut inviter lui-même Georges, et se faisant accompagner par Charlotte, il alla trouver au corps législatif. Mais Georges, sans se déranger, envoya un billet de 2 lignes pour dire qu'il ne pouvait quitter la séance. « Nous partirons demain pour les Charmeaux, » dit Emmanuel en tendant ce billet à sa femme. « Maintenant, rien ne nous retient plus à Paris. » Elle voulut l'interroger. En même temps, elle voulut aussi le détourner de son projet d'aller aux Charmeaux, où il se trouverait fatalement sous l'influence de mauvais souvenirs. Mais au premier mot, il l'arrêta, et elle comprit qu'elle n'obtiendrait rien de lui. Après tout, c'était quitter Paris et s'éloigner de Georges, c'est-à-dire pour le moment le point capital. Elle se rendit donc. Si tristes que fussent les Charmeaux, si dangereux qu'ils pussent être, il valait encore mieux que Paris. Ils partirent sans avoir revu Georges, et ce qui s'était déjà produit se répéta. Emmanuel retrouva le calme. Plus de fièvre, plus d'exaltation, seulement une mélancolie noire. Encore cette mélancolie perdit-elle beaucoup du caractère farouche qu'elle avait eu en Bretagne. Il ne rechercha plus la solitude comme autrefois, et ne s'enferma plus pour lire pendant de longues heures. Au contraire, il se rapprocha de sa femme, et il parut se plaire auprès d'elle, comme au premier temps de leur mariage. Il est vrai qu'un rien suffisait pour le rejeter dans son humeur sombre, que Charles survint dans les bras de sa nourrice, et aussitôt il s'éloignait de sa femme, ou bien brusquement il se taisait. Son regard changeait instantanément d'expression, et d'amical il se faisait dur. Les mois s'écoulèrent, à l'hiver succéda le printemps, puis l'été. Charlotte commença à renaître à l'espérance, son fils grandissait, Emmanuel s'adoucissait, et l'on n'entendait plus parler de Georges. Si peu portés qu'ils fussent l'un et l'autre à s'occuper de choses politiques, ils ne purent rester indifférents aux grands événements qui surgirent alors, et les bruits de guerre entre la France et la Prusse arrivèrent jusque dans leur retraite. En lisant les journaux, ils virent que parmi les députés qui poussaient le plus fortement à cette guerre était Georges Safarel. La guerre fut déclarée, commencée, et elle se poursuivit. Un matin, le 5 septembre, un jardinier vint annoncer à Emmanuel, qui se promenait dans le parc en lisant le journal, qu'un monsieur, qui n'avait pas voulu dire son nom, demandait à l'entretenir. Ce monsieur, c'était Georges. En l'apercevant, Emmanuel recula brusquement. « Tu es surpris de me voir, » dit Georges. « Je viens te demander l'hospitalité et ensuite un service. La dernière armée qui tenait la campagne vient d'être battue. L'empereur a été fait prisonnier. Le corps législatif a été envahi. La République est proclamée. Dans ces circonstances, j'ai cru devoir quitter Paris et je désire m'éloigner de France. Il va se passer des choses terribles. Il est sage à ceux que le peuple rend sottement responsable de ce grand désastre de disparaître momentanément. Peux-tu me procurer un passeport qui me permette d'entrer en Suisse sans être reconnu ? » Emmanuel resta assez longtemps sans répondre, comme s'il n'avait pas compris. Puis, tout à coup, faisant signe à Georges de l'attendre, il sortit brusquement. 2 minutes après, il rentra, tenant dans sa main une feuille de papier timbrée. « Voici un passeport pour l'étranger que j'avais demandé il y a un mois, » dit-il, « et qui ne m'a pas servi. Je vous le donne. » Au mot « vous », Georges le regarda avec surprise. « Il me plaît, » dit Emmanuel, « que vous me deviez la vie, et j'ai une véritable satisfaction à venir en aide à votre lâcheté. Prenez ce passeport et partez. Et cependant, j'avais préparé une autre expiation, mais je ne peux pas me venger d'un homme qui a peur. » Georges le regarda un moment en face, puis haussant les épaules. « Tu es fou » dit-il. Emmanuel s'avança sur lui, les poings fermés, mais avant de le toucher, il s'arrêta. « Si j'étais fou, dit-il, je vous tuerais, et la justice n'aurait rien à dire, puisqu'elle aurait affaire à un fou. Mais comme j'ai assez de raisons pour réfléchir, j'aime mieux vous donner la vie. Partez. En exil, ce qui vous reste de conscience parlera. Et vous comprendrez alors pourquoi, depuis un an, j'ai faim, la folie. » Sur ce mot, il sonna, un domestique parut. « Que l'on attelle, dit-il, et que l'on conduise monsieur à Dijon, vivement. » Puis, sans rien ajouter, il sortit. Charlotte ne sut rien de cette visite, et les choses suivirent au Charmeau, leur cours ordinaire, jusqu'au jour où Emmanuel lui annonça son départ avec 20 hommes du village qu'il avait organisé pour faire aux Prussiens, qui déjà avaient envahi la plus grande partie des départements de l'Est, la guerre des francs-tireurs. Tout le monde sait, les gens de parti exceptés, la lutte qui a été soutenue dans l'Est, et particulièrement en Bourgogne, par les corps francs. Ce n'est pas le lieu d'en rien dire ici. De la fin de septembre au mois de janvier, Emmanuel ne revint que 2 fois au Charmeau, et encore pour quelques heures seulement. Mais souvent, on entendit parler de lui et de ses hommes. Parfois, on restait des semaines, des quinzaines, des mois sans nouvelles de lui. Puis, sans qu'on sût au juste comment, le bruit se répandait d'un coup de main heureux, entrepris sous son commandement, et en fin de compte, il se trouvait quelques témoins pour le raconter en détail. Sans doute, il fallait faire la part de l'exagération populaire et de la légende dans ses récits, mais le certain était qu'il se battait courageusement et qu'il n'épargnait pas sa vie. 2 de ses hommes, revenus blessés au village, racontaient de lui des faits héroïques. On parla trop, et quand l'ennemi fut forcé d'évacuer Dijon, il voulut se venger sur le château de celui qu'il désespérait d'atteindre. Un matin, un détachement de cavalerie arriva avec l'ordre de brûler les Charmeaux. Plus d'une fois, Charlotte avait reçu et soigné des blessés prussiens. Elle crut que cela lui donnait le droit de se défendre. Elle réclama contre cet ordre de barbarie. Le chef du détachement la renvoya au chef de corps qui se trouvait à 2 lieues de là, dans un village de la plaine, où il s'était arrêté pour voir le feu. Après avoir obtenu la promesse qu'on ne brûlerait pas les Charmeaux avant 2 heures, elle commanda d'atteler une carriole et se fit conduire à ce village. Les 2 heures écoulées, comme elle n'était pas de retour, les soldats, qui étaient pressés, firent sortir les domestiques du château, et ayant entassé des amas de paille et de bois contre les portes dans le sens du vent, ils y mirent le feu, et quand les flammes arrivèrent au toit, ils partirent. Ils étaient bien certains que rien n'arrêterait l'incendie. Il se développa en effet rapidement, sans que les paysans pussent rien faire pour l'arrêter. Frappés de stupeur, ils restaient immobiles à le regarder, poussant des exclamations et des plaintes. Tout à coup, un grand cri s'éleva dans la foule. Une femme venait de paraître à l'une des fenêtres du premier étage, portant un enfant dans ses bras. C'était la nourrice, qui n'avait pas abandonné le château avec les autres domestiques. « Comment la sauver ? » On lui cria « Courage, on va à votre secours !» Mais en réalité, personne ne s'élança. Les escaliers étaient en feu, et les flammes qui montaient du rez-de-chaussée empêchaient de dresser une échelle pour atteindre le premier étage. La nourrice poussait des cris déchirants qu'on entendait au milieu du crépitement des flammes. Voyant qu'on ne venait pas à son secours, elle abandonna la fenêtre et rentra dans le château. À ce moment, Emmanuel parut. Instantanément, il fut au courant de ce qui se passait. « Une échelle » cria-t-il. En moins d'une minute, on lui en apporta une, qu'on dressa contre la fenêtre. Il s'élança et disparut dans un tourbillon de flammes et de fumée. Quelques secondes s'écoulèrent, et on le vit redescendre, portant l'enfant dans un drap roulé. Mais il était arrivé trop tard. L'enfant avait reçu des brûlures dont il ne guérit point. Il mourut, 2 jours après, sur les genoux de sa mère. « J'ai fait ce que j'ai pu, » dit Emmanuel, « mais Dieu n'a pas voulu qu'il fût sauvé. » Et, la prenant dans ses bras, pour la première fois depuis 15 mois, il l'embrassa. Fin de la section 61. Fin de Le mari de Charlotte par Hector Malot.